résoute. Je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasson avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. M'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame. Je fais ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement. Une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau, beau et con à la fois. She wore blue. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Il est 7h30 sur la place de la Concorde. Les chauffeurs de taxi montrent les dents pour se mordre. Le meilleur des 60s, 24h sur 24. Nostalgie 60. Nostalgie 60. I'm begging, begging, put your loving hand out, baby, begging, begging you, put your loving hand out, baby, riding high when I was king, playing Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Culte des années 60. The candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere, and I try desperately to hide. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another mile, I see that old familiar smile, but you'll be with somebody. Another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine and walk away from me once more. I try to run away from sad regrets. The bitter wine won't help me to forget that I locked up my heart and threw away the precious key. Les croquants vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent, la main dessus, la main dessous. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, c'est pour la bouche du premier venu, qui a les yeux tendres et les mains nues. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille, une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne mœur, les filles de bonne vie, qui ont vendu leurs fleurettes à la foire à l'encan, vont se vautrer dans la couche des croquants, quand les croquants en ont envie. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison, que les culs cousus d'or se fassent une raison, n'a jamais accordé ses faveurs à contre-sous, à contre-cœur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille belle comme ça, s'abandonne, s'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne vie ont le cœur consistant, et la fleur qu'on y trouve est garantie longtemps, comme les fleurs en papier des chapeaux, les fleurs en pierre des tombeaux. Mais le cœur de Lisa, le grand cœur de Lison, aime faire peau neuve avec chaque saison. Jamais deux fois la même couleur, jamais deux fois la même fleur. Les croquants, ça les attriste, ça les étonne, qu'une fille belle comme ça, s'abandonne. S'abandonne au premier ostrogoth venu. Les croquants, ça tombe des nues. Oh, when the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. On a blanket with my baby's where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. From the park you hear the happy sounds of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boat, down by the sea, yeah. On a blanket with my baby. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be making love. Under the boardwalk, boardwalk. Blanket with my baby, where I'll be. Under the boardwalk, out of the sun. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, people walking above. Under the boardwalk, we'll be falling in love.

je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer au but. Les filles en tombent à mes genoux. Il y a les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Aux mannequins de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque pour plus. Les filles en tombent à mes genoux, je recommence, il fait crac, boum, hu, crac, boum, hu, crac, boum, hu, crac, boum, hu. Nostalgie. Il est 23h. Une furieuse envie de chanter. Ahoua! Guantanamera! Guantanamera! Guajira, Guantanamera! Guantanamera! Guajira, Guantanamera! Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cierro herido que busca en el monte enfado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. I'm a sincere man. From the land of the palm trees. But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul. My verses are soft, soft green, but also a flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my fate with the world's humble. A little mountain stream pleases me more, more than the ocean. just have a smoke. And I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Faster now, sweating brown, I'm all fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of mouth, I'm regretting all this. Ce matin, je sors de chez moi. Il m'attendait, il était là. Il sautillait sur le trottoir. Mon Dieu, qu'il était drôle à voir. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Hop! Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un petit oiseau dans ma rue. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il faisait beau, je l'ai suivi. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis, où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On passe devant chez Lucho, qui me fait hé, hey, qui me fait oh. Je ne me suis pas arrêté par ton ami. Je cours après. Petit oiseau de toutes les couleurs. Un petit oiseau de toutes les couleurs. Sur l'avenue, je ne l'ai plus vu. J'ai cru que je l'avais perdu. Mais je l'ai entendu siffler. Et c'était lui qui me cherchait. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Où tu m'emmènes, dis. Où tu m'entraînes, dis. Va pas si vite, dis. Attends-moi comme t'es pressé, dis. T'as rendez-vous, dis. Là où tu vas, dis. Je vais avec toi. On est arrivé sur le port. Il chantait de plus en plus fort. S'est retourné, m'a regardé. Au bout de la mer, s'est envolé. Je peux pas voler, je peux pas nager. Je suis prisonnier, dit, m'en veux pas. Hey, bon voyage, dit, reviens-moi vite, dit. Le petit oiseau de toutes les couleurs. Nostalgie 60, la décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. Stop loving you, and I won't stop calling you, baby. Nostalgie 60. Vieillez, variété et liberté. Nostalgie.